À l'occasion du 52e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, les cadres responsables du parti et de l'État, notamment Kim Yong-nam, Park Bong-joo et Choi Ryong-hae, membres du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, un président de parti ami, les membres de l'organisme directeur central du parti de la ville de Pyongyang et les cadres du comité central du parti ont visité le 19 courant le musée révolutionnaire de l'université Kim Il-sung. Les visiteurs ont déposé les bouquets de fleurs devant la statue en bronze du général Kim Jong-il érigée à l'université Kim Il-sung avant de formuler l'hommage.